Mon cher Bardin, moi je ne vous ai pas offensé, dit doucement Madame Cormier. Il n'en fallut pas davantage pour que le vieillard s'apaisât. C'est juste, dit-il, et nous ne nous fâcherons pas pour si peu. Voici l'histoire que je vous ai promise. Elle est peut-être invraisemblable, mais elle est vraie. J'ai toutes les preuves entre les mains, certifiées par un homme d'une honorabilité incontestable. Il y a 4 ans, vivait dans un village du département de l'Hérault, à Fabrèges, une brave femme que son mari avait abandonnée depuis 10 ans. Elle était restée sans ressources avec une petite fille et elle serait peut-être morte de faim toutes les deux si une demoiselle d'une très bonne famille de Montpellier ne s'était intéressée à elle. Les parents de cette demoiselle avaient, tout près de Fabrègues, un château où ils passaient tous les étés. Ils recueillirent la petite abandonnée et ils la firent élever avec leur fille. On n'avait aucune nouvelle du mari. On savait vaguement qu'il était allé chercher fortune en Californie, mais rien de plus. « Je devine, s'écria Paul, il l'a trouvée là-bas, la fortune. Il vient de mourir, et alors ?»« Alors quoi ? Ce n'était pas la peine de m'interrompre pour dire ce que n'importe qui aurait deviné comme toi. » Paul, ainsi rabroué, baissa le nez et ne dit plus mot. « Oui, le père est mort, reprit le vieil avocat. Sa succession est liquide et revient tout entière à sa fille unique. La mère aussi est morte, 2 ans avant son mari. La fille est donc bien et dûment 6 fois millionnaire. Seulement... » Et comme Bardin, encore une fois, s'était arrêté au moment le plus intéressant, Madame Cormier ne put pas s'empêcher de dire « Eh bien, seulement on ne sait pas où elle est. » « Comment ? Que nous dites-vous là ?»« La vérité, cher ami, elle a disparu. »« Elle est peut-être allée en Californie comme son père, » ricana l'incorrigible Paul. « Elle a disparu quelques jours avant le mariage de sa jeune protectrice, qui elle aussi avait perdu ses parents, et qui l'avait prise chez elle comme lectrice. » Alors la protectrice doit savoir où est sa protégée. C'est probable, mais la protectrice a quitté le pays pour suivre son mari à l'étranger. Et très probablement aussi, elle ignore que sa protégée a maintenant des millions. Vous le lui apprendrez. Quand je l'aurai trouvée, je la cherche. Quoi ? Elle a disparu aussi, celle-là ? Disparu n'est pas le mot. Elle n'est pas de celles qui se perdent comme cela arrive à une pauvre fille. Elle est riche par elle-même et elle a fait un grand mariage. Mais elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Et depuis qu'elle l'a quitté, elle n'a fait que voyager avec son mari. J'ai demandé de plus amples renseignements à la personne qui m'a fourni les premiers. Je les attends, et lorsque je les aurai, le plus fort sera fait. Je me mettrai en relation avec cette dame, et il faudra bien qu'elle me dise ce qu'est devenue l'héritière, que je cherche aussi, et que je trouverai peut-être, sans que l'autre m'y aide. J'ai quelques raisons de croire qu'elle est à Paris, l'héritière, et je m'informe. Le diable, c'est qu'elle a dû changer de nom. « Alors vous aurez de la peine à la découvrir. »« Mon cher Bardin, dit en souriant Madame Cormier, je vous avoue que je commence à me ranger à l'avis de Paul, qui trouvait ce projet de mariage un peu en l'air. »« En l'air, tant que vous voudrez. Il est réalisable, et dans des conditions exceptionnelles. Voilà une jeune fille qui a des millions, et qui ne sait pas qu'elle les a. Supposez que je la trouve, que je lui présente Paul, que Paul lui plaise et qu'elle plaise à Paul. » Il y a des chances, car ceux qui l'ont vue il y a 4 ans s'accordent à dire qu'elle est ravissante et aussi bonne que belle. Ce serait une affaire faite. Trop de suppositions, grommela Paul. Resterait encore, dit sa mère, à savoir comment elle a vécu depuis qu'elle a quitté son pays. Une enfant de 16 ans, livrée à elle-même. Ce serait une enquête à faire, répondit Bardin. Je m'en chargerai, et je vous réponds qu'elle serait poussée à fond. Vous me connaissez d'assez longue date pour savoir que je ne transige pas sur ce qui touche à l'honneur. « Je le sais, mon ami, et je me fierai à vous comme à moi-même. Mais je crains bien que vous n'ayez jamais l'occasion de me donner votre avis sur cette héritière introuvable. Est-il indiscret de vous demander d'où vous sont venus ces renseignements ?»« D'un de mes anciens confrères du barreau de Montpellier, avec lequel je suis en correspondance depuis plus de 30 ans. Il m'a écrit tout récemment et à plusieurs reprises pour me demander de le seconder dans ses recherches. Il a été, jadis, l'avocat de la famille de la demoiselle, qui s'intéressait à l'orpheline, et qui l'a tirée de la misère. Aussi met-il beaucoup d'ardeur à poursuivre cette affaire. Il se propose, si elle n'aboutit pas prochainement, de venir à Paris tout exprès, quoique à son âge le voyage l'effraie un peu. Il a 75 ans, cet excellent Lestrigou. S'il se décide, je vous demanderai la permission de vous le présenter. Comment donc ? Je compte bien qu'il nous fera le plaisir de dîner chez moi avec vous, et avec Paul, qui ce jour-là, je l'espère, ne se fera pas attendre. « Je jure d'être exact, » dit solennellement Paul. « Oui, je te connais, beau masque, » répliqua le père Bardin. « Tu arriveras à l'heure si tes amis et connaissances ne s'arrêtent pas en route. Mais j'y pense. Tu ne nous as pas dit pourquoi tu as laissé brûler le rôti. Il était bon tout de même, mais il faut convenir qu'il était trop cuit. » Paul n'avait garde de dire la vérité. Il parla vaguement d'amis qui l'avaient retenu et d'une interminable partie de billard qu'il ne pouvait pas quitter parce qu'il gagnait. Paul savait que Bardin ne haïssait pas le billard et qu'il fulminait volontiers contre le baccarat. « Cajon, dit le vieil avocat, que tu étais avec ton inséparable, ce grand casseur d'assiettes qui se promène au quartier dans des costumes de carnaval. Mauvaise compagnie, mon garçon. » « Mais non, je vous assure, il aime les tenues excentriques, mais il est très comme il faut, quand il veut l'être. Il est noble, du reste, et il pourrait prendre les titres de comte que son père portait. Il s'appelle Jean de Mirande. Joli nom à mettre dans une comédie. Et il fait son droit, ce gentilhomme. Il veut donc entrer dans la basoche ? Je ne crois pas. Il s'est fait étudiant pour s'amuser à sa façon, et contre la volonté de tous ses proches. Je crois du reste qu'il commence à en avoir assez et qu'il finira par s'engager dans un régiment d'Afrique. Il est né batailleur et il ira où on se bat. Grand bien lui fasse. De quel pays est-il? Du Languedoc. Son oncle habite un château près du Vigan. Ah, il est du Languedoc. Demande-lui donc, quand tu le verras, s'il connaît la famille de Marcillargues. Je n'y manquerai pas. Puis-je savoir en quoi cette famille de Marcillargues vous intéresse? La protectrice dont je viens de te parler était une demoiselle de Marcillargues. Quel nom baroque! Plus il est baroque, mieux tu le retiendras. Mais elle ne le porte plus puisqu'elle est mariée. À un mauvais sujet qui la rend, dit-on, très malheureuse. Lestrigou, dans ses lettres, a oublié de m'apprendre comment s'appelle son mari. Lestrigou me parle toujours d'elle sous son nom de demoiselle. C'est celui-là que ton ami doit connaître, puisqu'il est languedocien. Du reste, dans sa prochaine... Mon correspondant m'apprendra l'autre nom, et je te le dirai. Bon, vous pouvez compter que votre commission sera faite ce soir. Ce soir? C'est donc que tu comptes finir ta soirée à Bullier, car un dimanche, ton Mirande ne peut pas passer la sienne ailleurs. Mais je vous assure que... Oh, ne t'en défends pas. J'y ai dansé jadis à Bullier. Ça devait être drôle, pensa Paul Cormier, qui ne voyait pas bien le vieil avocat exécutant une tulipe orageuse. Madame Cormier ne soufflait plus mot. Elle rêvait à ce mariage fantastique mis sur le tapis par un homme en qui elle avait pleine confiance, et elle se promettait de ne pas laisser tomber dans l'eau ce projet séduisant. Mais pour y revenir, elle attendait d'être seule avec Bardin. Elle voulait en parler à cœur ouvert, et la présence de son fils l'aurait gênée. Bardin, qui devina son intention, lui vint en aide. Le dîner avait marché plus vite que de coutume. On en était au café, qu'on prenait à table, et Paul venait de vider son quatrième verre d'un remarquable cognac, de la même provenance que le vin de Xérès, servi après le potage. « Tu grilles d'envie de fumer, hein ?» lui demanda l'avocat. « Oh, je sais que ça gêne maman, » dit Paul. « Je fumerai dans la rue, en rentrant chez moi. Et le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas ? Eh bien, je lis sur la figure de ton indulgente mère qu'elle te permet de lever la séance. Quand tu seras parti, nous ferons tranquillement notre sang de pique, jusqu'à 10 heures, et je serai encore couché avant toi. » car je demeure à deux pas d'ici. Le bonhomme habitait la rue des Arquebusiers, une rue dont peu de Parisiens connaissent le nom, et qui va, en faisant un coude, du boulevard Beaumarchais à la rue Saint-Claude. Et d'ici à Bullier, il y a une trotte. Il est vrai que tu vas en carrosse, toi, dame, quand on a des amis dans la noblesse. Paul s'était levé pour embrasser sa mère, et il ne fit pas semblant d'entendre, mais l'impitoyable Bardin reprit. « Parions que tu portes toute ta fortune dans ta poche. » Pourquoi ça ? Balbutia Paul, un peu décontenancé. Car c'était vrai. Qui vous fait croire ? Le geste révélateur. Quel geste ? Pendant tout le dîner, tu n'as fait que tâter avec ta main la poche de poitrine de ta redingote. Je ne m'y trompe jamais à ce geste-là. Ton portefeuille doit être bien garni. Maman m'a remis hier mon mois, n'est-ce pas, mère ? La veuve fit signe que oui, et pendant que M. Bardin riait d'aise d'avoir été si perspicace, le jeune homme s'empressa de lui serrer la main et de partir. Il en avait assez des malices de ce jurisconsulte en retraite et de ses histoires matrimoniales. Décidément, c'est un vieux fou, grommelait Paul en descendant 4 à 4 les marches du large escalier de la maison maternelle. S'il croit que je vais prendre des renseignements sur son orpheline égarée, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. L'étudiant reparaissait dans ce langage qu'il n'aurait pas osé tenir chez sa mère, et encore moins chez la baronne d'Ozulé, où il avait joué le rôle d'un seigneur qu'on attendait. Et le fait était que Paul se sentait revivre à l'idée de se retrouver sur le sable des allées de la closerie des Lilas, où il pourrait, à son choix, rêver à Jacqueline, ou bien se distraire en joyeuse compagnie, et où personne ne le prendrait plus pour le marquis de Ganges. Au bout de la rue des Tournelles, il sauta dans un fiacre découvert, après avoir allumé un cigare, et il se fit conduire au célèbre jardin où tant de générations des écoles de droit et de médecine ont fait leurs premiers pas. Il y arriva juste à l'heure où la fête bat son plein. Et comme c'était dimanche, la foule était énorme, une vraie cohue où dominaient les étudiants, mais où il y avait aussi des amateurs venus de la rive droite, en transfétant là ses couanes, a écrit le maître Rabelais. Ceux-là, blasés sur les quadrilles payés que la goulue et grille d'égout dansent tous les soirs au jardin de Paris, venaient se retremper aux sources du Cancan, alléchés par l'espoir de voir exécuter, bon jeu, bon argent, des pas fantastiques, inventés par la belle jeunesse française. Il a été de mode un temps fut, dans les grands clubs, de s'offrir ce divertissement, comme on allait jadis voir la descente de la courtille. C'est un genre de sport que messieurs les Corpucci se permettent encore quelquefois. Mais Paul Cormier ne s'attendait guère à rencontrer à Bullier la fine fleur de l'élégance parisienne. Il venait y chercher Jean de Mirande et sa suite, car il supposait qu'après un plantureux dîner chez Foyot, la bande avait dû éprouver le besoin d'aller gigoter à la closerie. Le difficile, c'était de les rencontrer au milieu de ce flot de promeneurs, de danseurs et de consommateurs, car à Bullier, tous les plaisirs sont réunis. On circule dans un jardin éclairé au gaz, on danse dans une salle immense, au son d'une musique endiablée. On boit sur les longues estrades qui l'entourent, en la dominant et aussi dans les bosquets. Ce soir-là, il y avait du monde partout. Et justement, une valse échevelée tournoyait d'un bout à l'autre de la salle couverte, refoulant les curieux et bousculant les gêneurs. Paul, qui ne tenait pas à faire là des études de chorégraphie moderne, se rabattit sur le jardin, où il comptait attendre que les évolutions circulaires des valseurs eussent pris fin. Alors seulement, il pourrait se mettre en quête de Jean, avec quelque chance de le trouver. Le jardin était fort encombré aussi. On s'y disputait les tables encastrées dans des massifs de verdure, et les garçons de café, portant à bout de bras des plateaux chargés de bocs, fendaient impitoyablement les groupes, qui se permettaient d'empêcher la circulation en stationnant dans les allées. Paul, la veille encore, aurait trouvé charmante cette fête dominicale. Maintenant, il la voyait avec d'autres yeux. La joie de ces jeunes gens lui semblait grossière. Les femmes lui semblaient laides et mal habillées. Et ce n'était pas l'argent gagné au jeu qui changeait ainsi son optique. C'était l'image de Jacqueline qu'il avait sans cesse devant ses yeux et qui, par l'effet de la comparaison, lui faisait prendre en dégoût les pitoyables drôlesses du quartier. Il n'était pas l'amant de cette merveilleuse marquise, et tout au plus espérait-il le devenir. Mais il était déjà son complice, puisqu'il partageait avec elle un secret qu'elle était intéressée à cacher. C'était assez pour qu'il se crût fait d'un autre bois que les camarades, Jean de Mirande excepté. Celui-là était du même monde que Madame de Ganges. Il ne le fréquentait pas, ce monde aristocratique, mais il y était né, et quoiqu'il affectât d'en faire fi, il était homme à comprendre certaines nuances qui échappaient complètement aux autres habitués de la closerie. Paul le cherchait donc, quoique bien décidé, à ne pas lui faire de confidence, et ce ne fut pas lui qu'il rencontra. Au détour d'une allée, Paul se trouva presque nez à nez avec un monsieur qui venait en sens inverse et qui s'écria « Vous ici, monsieur le marquis ?» Ce monsieur, c'était le vicomte de Servon, aussi étonné de la rencontre que Paul Cormier l'était de le trouver là. Le vicomte, toujours poli, aborda courtoisement son heureux adversaire du baccarat, mais sa figure exprima un autre sentiment que l'étonnement. Ses yeux disaient clairement « Eh bien, et votre femme ?» Paul comprit. Il y avait dans le regard qui tomba sur lui toute une série d'interrogations que le vicomte était trop bien appris pour formuler en paroles. Il voulait dire, ce regard clair et légèrement ironique, « Quoi ? Vous êtes arrivé ce soir d'un long voyage, vous avez à peine eu le temps de voir votre charmante femme, et au lieu de passer la soirée avec elle, vous venez vous divertir dans un bal d'étudiants ?» Paul était même tenté d'y lire quelque chose comme ceci. « Très bien, on pourrait essayer de la consoler, cette belle marquise, que vous délaissez ainsi. » Mais il ne s'agissait pas de deviner les intentions de M. de Servon. Il s'agissait de se tirer immédiatement d'une situation plus qu'embarrassante. Et Paul ne pouvait s'en tirer que par un mensonge. Il lui en coûtait, car jusqu'alors, il n'avait pas menti dans le sens littéral du mot. Il s'était laissé traiter de marquis de Ganges et présenté comme tel par la baronne d'Ozulé. Mais il n'avait rien dit qui pût faire croire que ce nom et ce titre lui appartenaient. Maintenant, il se trouvait pris dans un engrenage. Sous peine de passer pour l'amant de Jacqueline, il fallait mentir, non plus en se taisant, mais en inventant une explication de sa présence à Bullier. Le diable s'en mêlait. Il maudissait ce vicomte qui s'était avisé de traverser les ponts au lieu de chercher à se refaire en taillant un baccarat dans les salons de son club. Mais il était obligé de répondre. Et il répondit en allant au-devant des questions qu'il prévoyait. « Vous ne vous attendiez pas à me rencontrer ici, surtout ce soir, n'est-ce pas, monsieur ? » commença-t-il d'un ton dégagé. « Je pourrais vous dire, comme le doge de Gênes, à Versailles, ce qui m'étonne le plus, c'est de m'y voir. Figurez-vous que ma femme, qui ne savait pas que j'arriverais à Paris aujourd'hui, avait accepté une invitation à dîner chez une de ses amies. Elle voulait lui écrire pour se dégager. J'ai exigé qu'elle y allât. Elle y passera la soirée. J'ai dîné seul, au restaurant, et ne sachant que faire après, je suis venu en me promenant et en fumant d'innombrables cigares, jusque dans ce quartier excentrique. J'ai entendu la musique de ce bal et l'envie m'y a pris d'y entrer. Je crois que je n'y resterai pas longtemps. » Pour une explication improvisée, celle-là n'était pas trop mauvaise, et Paul s'empressa d'essayer une diversion. « Mais vous-même, monsieur, reprit-il, par quel hasard ?»« Mon Dieu, c'est bien simple, dit le vicomte. J'ai dîné au club. J'espérais y trouver une partie. Mais il fait si beau que tous les dîneurs ont pris leur volée en sortant de table. Nous nous sommes trouvés, trois à fumer sur le balcon. Pas moyen seulement d'organiser un whist à quatre, et je n'aime pas à jouer le mort. Nous avons décidé d'un commun accord de fréter un cab, et de nous faire conduire à la closerie des Lilas. C'est assez canaille, ce bastringue, mais on y découvre quelquefois des femmes nouvelles. Pas souvent, murmura Paul, qui savait à quoi s'en tenir sur ce point. Je vois, monsieur le marquis, que vous connaissez l'établissement. J'y suis venu autrefois, comme tout le monde. Oh, je pense bien que vous ne le fréquentez plus. Madame de Ganges s'y opposerait, et vous perdriez trop au change. Moi qui n'ai pas le bonheur d'être marié à une femme charmante, j'y viens de temps à autre avec des amis, et il m'est arrivé d'y faire des trouvailles. Il y a encore ici quelques jolies filles qui ont sur les horizontales de la rive droite l'avantage d'être jeunes. On en est quitte pour les décrasser avant de les lancer. Cormier s'apercevait que le vicomte était un viveur à outrance, et il s'en réjouissait, parce qu'il espérait que ce chercheur de débutante allait bientôt le quitter pour se mettre en chasse. « Je viens d'en suivre une qui en valait la peine, reprit M. de Servon. Elle m'a planté là pour se prendre au bras d'un grand diable, qui porte des bottes molles, un pantalon collant et un chapeau pointu. Il paraît qu'ici c'est le suprême chic. » Paul était sur les épines, car à ce signalement, il avait reconnu son ami Jean, et il tremblait que Jean ne vînt déranger son colloque avec le vicomte et patauger à travers son marquisat de carton, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais Jean était sans doute occupé à abreuver dans la salle couverte ses invités de chez Foyot, et M. de Servon continua ainsi. « Mes deux amis du club sont partis sur une autre piste. Je ne sais s'ils auront plus de chance que moi, mais je les attends ici et je serais bien heureux, monsieur le marquis, de vous les présenter. » Cela ne faisait pas du tout l'affaire de Paul Cormier, qui balbutia « Je serais charmé, moi aussi, de connaître ces messieurs, mais eux vous connaissent de réputation. Ils savent qu'après avoir mené la grande vie, vous avez abordé les affaires à l'âge où d'autres perdent encore leur temps au club et au foyer de la danse. Et les grandes affaires vous ont réussi, comme elles réussissent toujours aux hommes intelligents et hardis. Vous pouvez songer maintenant à jouir de vos succès. Votre place est marquée dans notre monde parisien, où jusqu'à présent vous vous êtes peu répandu, je crois. » « Oh, très peu, » dit vivement Paul, enchanté du prétexte que lui fournissait le vicomte pour expliquer son ignorance des hommes de ce monde-là. « J'ai bien vu chez la baronne que vous vous trouviez sur un terrain nouveau pour vous, » reprit obligeamment le vicomte. « Vous ne la connaissiez pas, je crois, cette chère baronne. Pas du tout, mais elle m'a accueilli comme si j'étais de ses amis. Oh, c'est une excellente femme. Et d'ailleurs, elle est liée avec Madame de Ganges, que tout le monde aime et respecte. » Paul s'inclina par politesse, mais au fond, il n'était pas fâché d'apprendre qu'on respectait sa Jacqueline. Quand vous connaîtrez Madame d'Ozulé, vous verrez qu'elle n'a pas sa pareille pour former un salon, car Madame de Ganges, qui s'abstenait de recevoir pendant que vous étiez loin de Paris, va certainement ouvrir sa maison l'hiver prochain. J'avoue que nous y comptons un peu, et ce serait vraiment dommage, de ne pas utiliser votre bel hôtel de l'avenue Montaigne, qui semble avoir été construit tout exprès pour y donner des fêtes. Il paraît que j'ai un hôtel avenue Montaigne, se dit Paul, c'est bon à savoir. Je ne serai plus embarrassé pour retrouver Jacqueline si elle ne me donne pas de ses nouvelles. « Voici mes amis du club, » dit tout à coup M. de Servon. « Ils reviennent bredouilles, je crois. Mais non, ma foi. Ils sont suivis de près par deux jeunes personnes qui m'ont tout l'air d'avoir accepté un souper au café anglais. Ça les changera, mais je me reprocherai de vous retenir. Oh, je serai de la fête, le temps de vous mettre en relation avec ces messieurs, et je vous demanderai la permission de vous quitter. Voulez-vous seulement venir avec moi à leur rencontre ?» Paul, qui voyait avec joie arriver le moment de la séparation, suivit le vicomte, qui l'amena en face des deux clubmen et procéda immédiatement aux présentations, en commençant par ses amis. « Monsieur le comte de Carol, Monsieur Henri de Baffé. » Puis presque aussitôt, « Monsieur le marquis de Ganges, » reprit-il en élevant la voix, comme pour mieux marquer l'importance du personnage. Cette cérémonie, assez inusitée au balbulier, se passait non loin de l'entrée de la salle couverte et tout près d'une espèce de tonnelle de feuillage où étaient attablés un monsieur et trois femmes, qui, à en juger par leur tenue et leurs allures, devaient être des dévergondés de la pire espèce. Le monsieur, au contraire, avait l'air d'un homme du monde, mais il était complètement ivre. La table couverte de bouteilles vides attestait qu'il ne s'était pas grisé seulement de paroles et de bruit. Au moment où monsieur de Servon venait de présenter le faux marquis, ce monsieur se leva, en montrant le poing au groupe des clubmen. Une de ses tristes invitées le força à se rasseoir, en le tirant par le pan de sa redingote. Mais il continua de gesticuler en criant « Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce à moi qu'il en a ?» Le présenteur et les présentés ne firent aucune attention à ce pochard, qui à la closerie n'était pas seul de son espèce. Ils échangèrent de brèves politesses avant de se séparer, et le vicomte prit congé de Paul en lui disant « À l'honneur de vous revoir, monsieur le marquis. » Ces messieurs venaient de s'éloigner avec leurs deux recrues féminines lorsque Jean de Mirande déboucha de la salle de bal en nombreuse compagnie. Tout tournait au gré des désirs de Paul, qui ne craignait rien, tant que de se trouver pris entre son vieil ami du quartier et ses nouveaux amis du club. « Marquis, » persistait à grommeler l'ivrogne, « je vais t'en donner, moi, du marquis de Ganges. » Paul Cormier n'entendit pas cette menace, qui se confondit avec un grognement, et il ne se douta nullement qu'elle s'adressait à lui. Il était tout à la joie d'avoir évité l'explication qui eût été la conséquence forcée de la rencontre avec Jean, si Jean était survenu une minute plus tôt. Il arrivait, ce brave Jean, escorté de ce qu'il appelait sa maison civile et militaire, c'est-à-dire des quatre donzelles qu'il venait de régaler chez Fouillot et d'une demi-douzaine d'étudiants recrutés dont le bal est largement abreuvé à ses frais. Lui aussi l'était non pas ivre, car il portait le vin comme pas un, mais outrageusement gris. Il marchait encore droit, il avait toujours la parole facile. Seulement les yeux lui sortaient de la tête, et Paul, qui le connaissait bien, vit tout de suite qu'il était très surexcité. Et quand cela lui arrivait, il était capable de toutes sortes d'extravagances. Paul le savait, et bénissait d'autant plus le ciel, qui avait inspiré au vicomte de Servan l'idée d'emmener ses amis. « Te voilà, joli lâcheur !» lui cria Mirande, du plus loin qu'il l'aperçut. « Était-elle bonne la soupe de ta maman ?» Et le bouilli, et le petit guinglet pour arroser tout ça. « Si tu étais venu avec nous, tu aurais mangé de la bisque et bu du cliquot. Demande plutôt à ces dames. » « Mais je te tiens maintenant, et tu vas finir ta nuit avec nous. Nous souperons chez Barat, au hall. » Cormier admira par lui les effets du vin de champagne qui inspirait de tels projets aux derniers rejetons d'une famille de la vieille roche, et il était assez disposé à prendre la chose gaiement. Mirande, ce soir-là, ne pouvait lui être bon à rien, et Paul n'était pas pressé de s'acquitter de la commission dont l'avait chargé le père Bardin, emporté par son zèle matrimonial. Il craignait seulement que le bal ne finît pas sans bataille. Mirande, quand il se mettait dans ces états-là, était le louis facile, et le coup de poing aussi. Pour peu qu'on l'agaçât, il en venait aux voix de fête, et il arrivait que la fête se terminait au violon. Paul, qui n'avait pas envie de l'y suivre, méditait déjà de le calmer, et de le ramener tout doucement à son domicile du boulevard Saint-Germain, où il pourrait se coucher, et cuver son vin jusqu'au lendemain. Le diable, c'était que le reste de la bande avait perdu toute notion du respect qu'on doit à l'autorité, qui veille sur la tranquillité des bals publics. Ces dames avaient déjà failli se faire mettre à la porte, en levant la jambe plus haut que le casque du municipal de service. Vera, la nihiliste, poussait des cris séditieux. Il est vrai qu'elle les poussait en russe, et que personne ne les comprenait, mais les étudiants qui complétaient le cortège de Jean bousculaient tout le monde, et faisaient un tapage infernal. Paul, malgré tout, espérait encore que la soirée s'achèverait pacifiquement. Il comptait, sans le pochard, qu'il l'avait déjà interpellé du fond de la tonnelle qu'il occupait avec trois créatures. Elles avaient essayé de le contenir, mais il s'était arraché de leurs pattes, et il vint se planter devant Paul Cormier, les bras croisés, le chapeau rejeté sur la nuque et les cheveux en coup de vent. « D'où sort-il celui-là ? » grommela Mirande, en toisant l'intrus, qui lui dit brusquement « Ce n'est pas à vous que j'ai affaire, c'est à celui-ci. »« À moi ? » demanda Paul stupéfait. « Oui, à vous. Pourquoi vous faites-vous appeler le marquis de Ganges ?» Paul pâlit et ne répondit pas. Il comprenait que cet homme avait entendu les présentations, mais il ne devinait pas en quoi elle pouvait l'avoir offensé. « Êtes-vous fou ? » demanda Mirande à l'ivrogne. dont l'attitude agressive commençait à l'irriter. « Je ne suis pas fou, et je suis parfaitement sûr d'avoir bien entendu. Encore une fois, pourquoi vous, le petit blond, pourquoi avez-vous pris un nom qui ne vous appartient pas? Êtes-vous le marquis de Ganges, oui ou non ?»« Qu'est-ce que ça vous fait ?» riposta Mirande, exaspérée par cette insistance tenace qui est particulière aux gens ivres. « Ce que ça me fait, vous voulez le savoir? C'est moi qui suis le marquis de Ganges. »« Possible, ricana Jean. Vous n'en avez pas l'air. »« Je ne vous parle pas. Je parle à cet homme qui s'obstine à ne pas me répondre. » Et je lui répète qu'il s'est permis de prendre mon nom, que je veux savoir pourquoi, et que s'il persiste à refuser de me le dire, je vais le souffleter. » Paul leva le bras pour prendre les devants, mais Mirande fut plus prompte que lui. « Après moi, s'il en reste, cria-t-il, en appliquant sur la joue du réclamant une maîtresse aux gifles. » Ce fut le signal d'un tumulte effroyable. Les filles qui buvaient tout à l'heure avec le souffleté s'enfuirent en criant comme si elles avaient reçu le soufflet. Les amis et les amis de Jean arrivèrent pour lui prêter main forte au cas où le battu essaierait de rendre coup pour coup. Jean s'était mis en posture de boxer et tout faisait prévoir qu'un combat acharné allait s'engager entre ces deux hommes, ivres tous les deux et aussi furieux l'un que l'autre. On accourait de tous les côtés du jardin. Et il y avait déjà des gens qui montaient sur les chaises pour mieux voir. Pour un peu, ils auraient fait « x, x ». Le plus ennuyé de tous les acteurs de cette scène, c'était Paul Cormier, qui était la cause de la querelle, et qui, faute de présence d'esprit, avait laissé son ami usurper le premier rôle, un rôle qui pouvait le mener sur le terrain. Mais ceux qui comptaient sur le spectacle d'une belle lutte à coups de poing furent complètement volés. Soit que le souffleté vit qu'il ne serait pas le plus fort, soit qu'il trouva au-dessous de sa dignité d'engager un pugilat, il s'abstint de se jeter sur son adversaire, et il lui dit avec un sang-froid surprenant « Maintenant, monsieur, ce n'est plus à votre ami que j'ai affaire, c'est à vous, et vous me rendrez raison de l'outrage. »